les moins brisés force. C'est lui moi qu'a loué. My God, God bless. Hey, Jacques. Hey. Loué, loué, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, ever, never forget. C'est moi qui a loué, never forget, never forget, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, ever, never forget. C'est moi qui a loué. Never forget, never forget. Voilà, il dit au ciel, le Seigneur de la terre et du ciel, créateur de la terre, de la mer, et never forget. You pity yourself, God bless all children on earth. King universe, si les moins besoin, que aille pas gaille. C'est lui moins galoué parce que c'est lui qui met ta caille. Et les y voyait force, moins qu'a dit merci, merci, et fait toute force. Que moins dit only, only, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, never, never forget. Never forget, never forget, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, never forget. Never forget, never forget. Never forget, my friend. Papa là qui est toujours là pour nous. My friend. Parce que c'est lui qui met en nous. Lose your faith, my friend. God forgives. Never, never lose your faith. Never afraid, my friend. Papa là qui est toujours là pour nous. My friend. Parce que c'est lui qui met en nous. Qu'à veiller forever. Faut nous prier together. Quand je pleure, il me donne la main. Me nourrit quand je mange à ma faim. N'oublie pas les pauvres et donne à ceux qui n'en ont pas. Quand je prie plus rien le matin. Avec lui, je connais pas le mot crainte. Tous les jours, il guide mes pas. Guidance, protection. Il nous pardonne de nos péchés. Nous garde sur le droit chemin. Il est grand et tout puissant. Nous a créé de chair et de sang. Il nous a fait descendre. Le prophète Mahomet. Le livre saint. Avec tous ses versets. Les moins visés force, c'est vous moins calme. Love me forever. Bless me forever. Les moins visés force, c'est vous moins calme. Love me forever. Bless me forever. Protect me forever. My God. Love me forever. Veillez si moi. Bless me forever. Protect me forever. Love me forever. Bless. My God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, never forget. C'est moi qui loue, never forget, never forget, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, never forget. C'est moi qui loue, never forget, never forget, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, never forget. C'est moi qui loue. Never forget, never forget, my God. Bless me forever, protect me forever, love me forever, never forget. C'est never qu'à never forget, never forget.